relation normale avec Dieu commence par apaiser ton cœur. Même si tu ne comprends pas, mais accomplis tes devoirs envers lui. Il n'est pas trop tard pour attendre que sa volonté soit révélée et pratiquée. Si ta relation avec Dieu est bonne, il en ira de même avec ceux qui t'entourent. Une relation normale avec Dieu est exempte de doute et de rejet de son œuvre. Bien devant son trône, avec de bonnes intentions, mets-toi de côté. Accepte le regard de Dieu, soumets-toi à Dieu. Fais passer l'intérêt de sa famille en premier. Si tu pratiques de cette façon, ta relation avec Dieu sera normale. Oh, normale. De Dieu, le roc sur lequel tout repose. Agis comme Dieu veut, sans résister ni déranger, sans faire ni dire des choses qui ne profitent pas à tes frères et sœurs. Ne sois pas une honte, sois juste et honnête. Rends toutes choses dignes de Dieu. Une relation normale avec Dieu est exempte de doute et de rejet de son œuvre. Viens devant son trône avec de bonnes intentions, mets-toi de côté. Accepte le regard de Dieu, soumets-toi à Dieu. Fais passer l'intérêt de sa famille en premier. Si tu pratiques de cette façon, ta relation avec Dieu sera normale. Oh, normale. Oh, normale. Même si la chair est faible, tu peux servir la famille de Dieu comme la chose la plus importante et ignorer tes bêtes. Ne désire rien pour toi-même, mais accomplis la justice. Ne désire rien pour toi-même, mais accomplis. Ta relation avec Dieu sera normale.